encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. J'ai jamais été un gros dur, mais là je deviens de la confiture. J'suis tout mou, tout sucré, même les bouts de fruits je les ai mixés. C'est à cause de la fille qui dort dans la chambre d'à côté. Elle a de beaux cheveux d'or, une rime comme ça serait jamais passée. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. Elle est douce comme un nounours, elle est belle comme une fée. C'est tellement vrai que pour la décrire, je n'ai que des mots démodés. Mais elle est tellement plus que ça, oh, j'aurais pas cru ça de moi. Elle est tellement trop, tu vois, ça recommence, je remets ça en. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. J'ai toujours été un peu sensible, mais là ça vire au ridicule. À la fin de chaque phrase, je dessine un sourire à la place des virgules. La sensiblerie, c'est cucu, puis ça fait de mauvaises chansons. Mais au moins, j'aurai une berceuse pour endormir mon lardon. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas cru ça de moi. Il y a encore quelques mois, j'étais pas.